Ah, Slovenia au mic, mec. La psychiatre de la Rivière. C'est la PN, faut pas que tu te plaignes. Ou Alger, FF, c'est du nique tout. Marseille, ouais, c'est dans les veines. Y'a des joies, y'a de lourdes peines. Notre histoire, c'est pas la tienne. Rien de nouveau sous le soleil. Yeah, je me vois dans les yeux de la maman. Y'a des joies, y'a de lourdes peines. Marseille, ouais, c'est dans les veines. Rien de nouveau sous le soleil. Ma ville est belle, mais la vie elle y est pire qu'avant. Parce que de nos jours ici que ça tirait rien que savant. Si seulement je savais comment remonter dans le temps. Je crois que plus jamais je reverrai mon Marseille d'antan. J'ai fait le deuil, c'est mort, c'est devenu Baltimore. Je reconnais plus mon centre-ville et mes quartiers nord. On a payé un lourd tribut, on a payé le prix fort. À qui crois-tu que sont les enfants que la ville dévore? Dont elle recrache les corps, dont elle noircit les cœurs. Mais qu'en ont-ils à faire au fond? C'est pas leur mère qui pleure, leur petit frère qui meurt au pied des barres d'immeubles. Nous ont livrés abandonnés à notre triste à Marseille, gros, tout se passe dans la tête. Laisse pas traîner tes dettes. J'suis calé sur la côte, envie de me barrer, j'prends la 7. J'partageais mon assiette en souriant quand j'étais à sec. Des quartiers sud au quartier nord, les petits ont faim, ils remontent d'Espagne. Tu le sais, n'est-ce pas? Moi j'm'attache pas, basta, c'est qu'on baisse tout. J'suis vers l'Estac, 1-3, j'tourne jamais le dos. Dans le resto, chica, une grosse quicheta, verte comme pesto. Envoie le feu, hashtag, y'a trop d'herkei, haïchik. Histoire de shit, faux chèque, histoire de shit, faux chèque. Ça vend des kills, pochette. Trahit son équipe pour une petite qui a des petites faussettes. Yeah, comme un vide à combler. La parole de Dieu, ça m'aide à tout surmonter. Je regarde vers le ciel, c'est qui me laissera pas tomber. Des quartiers sud au quartier nord, des baumettes au ponté. Je suis marseillais comme Nasri, pour y arriver j'ai souffert. Combien j'ai pensé aux gens, est-ce qu'ils penseront à moi sous terre? Tout part de la chambre, un mic, une carton. Pardon maman, j'ai fini au jol, mais j'étais pas un mauvais garçon. Né dans les quartiers sud, je traînais dans les quartiers nord. Lève le T-Max dans les rues, j'entends un coup de vanille qui était mort. Ici personne serre les coudes, y'a trop de problèmes d'ego. Te jette pas à l'eau, ici même les sirènes donnent des go. Ils veulent trop te voir à terre, gros pour ça je tiens debout. Quand les murs ont des oreilles, les problèmes sortent des égouts. J'ai mon DP, ma chabrin, j'ai des soucis, des chagrins. Je fais des erreurs, mais j'apprends. Eux ils parlent, mais ils savent rien. C'est la crise quand y'a des blèmes dans Marseille. Les mamans elles sortent plus à tirer la veille. Ça sent la presse, les guépis harcèlent. De toute façon, on va finir seul dans un coin de Marseille. Marseille, ouais, c'est dans les veines. Y'a des joies, y'a de lourdes peines. Notre histoire, c'est pas la tienne. Rien de nouveau sous le soleil. Yeah, je me vois dans les yeux de la maman. Y'a des joies, y'a de lourdes peines. Marseille, ouais, c'est dans les veines. Rien de nouveau sous le soleil. Yeah, j't'ai pris ton tapis avec une petite paire de 5. J't'ai pris ton tapin qu'à exhiber sa paire de 5. Enfin, on était plein, maintenant y'a plus des gains. Autant des freins, on était francs. Quand on s'aimait, c'était pas pour les gains. Nouvelle école, sales sont les codes. Sables, c'était sale et l'époque, poussette, coup d'épaule. Jadis sous le porche, rien dans les poches. L'amour était proche et aujourd'hui la mort se rapproche. Maintenant ils font le plein, autoroute à de 20. Dernière paire de requins sans penser à demain. C'est le début de la fin, tout le monde a faim. Tout a changé. Patron manuel, plutôt semi-automatique. Elle est refaite la mine, tu peux t'en dire que c'est dollar plastique. 2 ans de loyer, entouré par un élastique. On passe très vite d'un air sympathique à Saint-Patrick. Électrique sans l'Écosse, la vie de narcos. Tiens l'arme sans l'arthrose. On n'attend pas que ça tombe du ciel, on fait l'école. Ça grandit dans ça, c'est froid comme dans glacière à Bielsa. Chacun porte ses péchés, mais pas dans le même sac. Les ouais, en journée, toute l'année, proche nounet. Je peux tourner, contourner, tourne pas trop autour du pot. Tu me remets, c'est papé, ou plutôt c'est capot. Marseillais, essayez, faut payer, c'est capot. Mes gros flics, on se la plie, tout pour les miens, mon seul appui. Murda sur la piste, je perds le temps à mettre sous la pluie. Le temps, cristaux le quitte, le temps servir les cleans. Mes larmes seraient gouttes d'encre, mais j'écris sur cristaux liquide. Après quelques shots, je nous revoyons. Une des plus belles vies, voyons. 1980 quelque chose. Par ces temps-là, on était bien libre comme l'art. X temps après, c'est zéro peine comme l'arme. On silence comme l'arme. Papa Pim, on m'a RDC. QRLDC sur flaque de sang RDC. Ce qu'on a laissé. Qui zappe le passé n'a pas de futur à portée de main. Qu'est-ce que la peine d'aujourd'hui peut apporter demain? De Saint-Antoine au panier à la Cayole. Avant, après, c'est Marseille, c'est Mariol. Sa vie au taquet, mais le paquet, dans v'là les domaines. Croreille, le parquet, t'as remarqué. Loin et demain, comme la nuit à l'opéra. Pas peur de salir les mains, qui nuit le paiera. Et qui veut salir les miens, un 3 en mode opéra. J'suis dans ma paranoïa, j'viens du ghetto, ya. T'en veux, tu paies le plot, ya. Longue vie aux braves qui mettent du cœur pour les 111. Y'a que la mort de grave. mon sang ose. Comme Zizou, comme Sopra, comme le JMRCO, Flamme JO, toujours aussi haut, c'est Marseille, ouais, c'est dans les veines. Y'a des joies, y'a de lourdes peines. Notre histoire, c'est pas la tienne. Rien de nouveau sous le soleil, yeah. Je le vois dans les yeux de ma main. Y'a des joies, y'a de lourdes peines. Marseille, ouais, c'est dans les veines. Rien de nouveau sous le soleil, yeah. Dans une ville qui n'existe plus, des ruines et des cendres, réminiscences. J'ai vu ces rues ruisseler de sang, plus rien n'a de sens. Rêve incandescent, rêve de renaissance. Retour au réel, petit redescend. Du passé au présent, tout part en fumée. Des pensées perturbées, turbulents, tête brûlée. Perdre du temps à calculer, regarder passer les trains. Regarder le sablier s'écouler grain par grain. Des sous au chaud, offshore, ça sort pas d'Oxford. Onde de choc, donne chaud, trop chaud, gunshot. Ici si ça sort chargé, c'est logique. La psy FFPN, la géologie. Tout a changé, c'est plus les mêmes choses. Plus les mêmes façons de s'habiller, c'est plus les mêmes codes. On reconnaît plus le quartier, c'est plus les mêmes blocs. Mais machin là depuis le temps passé, toujours les mêmes potes. On reconnaît plus le quartier. Avant c'était respect, loyauté, plus de complicité, d'amour et de sincérité. Maintenant ça met le barbane. En été ça blague pas la vérité. C'est chaud, y'a trop de rivalité. Hey, l'atmosphère est tendue, comme un string entendu. La voix de la street, mon Arthur. On reconnaît plus le quartier. Le petit frère te torture, homicide. Tu tchatches plus, t'hallucines au rap cru. On a connu la mélodie, le sang de la ville au grand cœur. Sage poète de la street, le film des tontons flingueurs. On dit que tout a changé, méfie-toi de ton frangin. Influencé, matrixé par des films à l'axe latin. Bah les couilles ton cartel, mouille le maillot Van Buten. Tirez une boule dans des ailes, j'suis pas peint, j'suis Verstappen. Marseille, City Beach, Shabab Beat, 4 motion. Viens faire le tour de la ville sur une scène en 1, 3, papi, étoile, nanar, tapis. On te fait danser dans la street comme Black Street. No diggity. CBIN de la psychiatrie qui est au Jamba Field. À l'ancienne, ça faisait l'écart marseillais dans ta déjà, ville. Une pensée aux absents. Pour eux, je porte le brassard plein de sang en imposant mon accent. Là où nous ont interdit l'accès. Dans ce game, je suis le vaccin. Pas pour tes Rolex, mais pour mes frères relaxés. Ici, y'a que dans le Candou qu'on a grandi dans la soie. On confie pas estime de soi et obsession de soi. Comme le groupe de François, on a la furie et la foi. On porte le kéfi. Comme les enfants de Rafa dans le Peura. J'suis pas comme eux, j'suis pas comme un, j'suis pas comme eux. Joue au con et la faute je commets. J'suis une comète comorienne qui commémore les morts des quartiers nord. Ici combien se noie pour un billet comme la pochette de Kurt Cobain. Ne prends pas notre pudeur pour une image lisse. Marseille c'est trop vrai pour ton Netflix. Marseille c'est sincère comme les larmes d'un daron. Et ça depuis les grands frères au surnom de Pharaon. Tout en détente, sans casque en dedans. Pensant à ramener le bon vieux temps, celui qu'on aime tant. Bon, je tente, on peut pas leur ressembler. Très organisé, viens pour rassembler.